Pendant ce temps, dans un parc du palais, Héro envoie Marguerite chercher Béatrice pour que, cachée dans un bosquet, Béatrice entende la conversation suivante entre Héro et une de ses suivantes, Ursule. Béatrice entre donc et se cache dans un bosquet de l'autre côté de la Seine. Le plus grand plaisir de la pêche est de voir le poisson fendre le flot d'argent, madame, de ses rames d'or, et mordre avidement à l'hameçon traître. Ainsi, nous tendons la ligne à Béatrice, qui vient de se cacher à l'ombre du chèvrefeuille. Soyez sans crainte, madame, je jouerai bien mon rôle dans le dialogue. Eh bien, rapprochons-nous d'elle pour que son oreille ne perde rien de la douce et perfide amorce que nous lui destinons. Elles vont se placer près du bosquet, tout en causant. Non, vraiment, Ursule, Béatrice est trop dédaigneuse. Crois-moi, elle est d'une humeur aussi farouche et aussi sauvage que le faucon fauve des rochers. Mais êtes-vous sûr que Bénédicte aime si profondément Béatrice? C'est ce que disent le prince et le seigneur Claudio, mon fiancé. Ils vous ont chargé de lui en parler, madame? Ils m'ont prié de l'en instruire. Mais je leur ai conseillé, s'ils aimaient Bénédicte, de l'engager à lutter contre cette affection, sans jamais la faire connaître à Béatrice. Pourquoi cela? Ce gentilhomme n'est-il pas ni d'un lit aussi privilégié que la couche de Béatrice? Oh, Dieu d'amour, je sais qu'il est digne de tout ce qui peut être accordé à un homme. Mais la nature n'a jamais fait un cœur de femme d'une étoffe plus fière que celui de Béatrice. Le dédain et la morgue étincellent dans ses yeux qui méprisent tout ce qu'il regarde. Et son esprit s'estime si haut que pour elle, toute autre chose est chétive. Elle ne peut aimer ni concevoir aucune impression, aucune pensée affectueuse, tant elle est éprise d'elle-même. Je pense bien comme vous, madame. Et conséquemment, il ne serait pas bon sans doute qu'elle connût l'amour de Bénédicte. Elle s'en ferait un jeu. Oui, tu dis vrai. Je n'ai pas encore vu un homme si spirituel, si noble, si jeune, si parfaitement beau qu'il fût, qu'elle n'ait repoussé de ses maléfices. Est-il blond? Elle jure qu'on le prendrait le galant pour sa sœur. Est-il brun? C'est un grotesque que la nature, en dessinant, a barbouillé de noir. Grand, c'est une lance à tête biscornue. Petit, c'est un camé négligemment taillé. Parleur, c'est une girouette tournant à tout vent. Silencieux, alors, c'est une bûche que rien n'émeut. Il n'est pas d'homme qu'elle ne retourne ainsi à l'envers, et jamais elle n'accorde à la vérité et à la vertu ce que réclame la franchise et le mérite. Bien sûr, ce dénigrement n'a rien de louable. Non, sans doute, Ursule, cette manie bizarre de Béatrice n'a rien de louable. Mais qui osera le lui dire? Si je lui en parlais, elle me bernerait. Oh, elle me désarçonnerait d'un éclat de rire, elle m'écraserait d'esprit. Aussi, que Bénédicte, comme un feu qu'on recouvre, se consume en soupirs et s'épuise intérieurement, cette fond-là vaut mieux que de mourir bafoué, chose aussi cruelle que de mourir chatouillé. Pourtant, parlez-lui-en, écoutez ce qu'elle dira. Non, j'aime mieux aller trouver Bénédicte et lui conseiller de combattre sa passion. J'inventerai même qu'elle connaisse calomnie pour en ternir ma cousine. On ne sait pas combien une méchante parole peut empoisonner l'amour. Oh, ne faites pas à votre cousine un pareil tort. Elle ne doit pas manquer de jugement, pour peu qu'elle ait l'esprit vif et supérieur qu'on lui reconnaît, au point de refuser un gentilhomme aussi accompli que le signor Bénédicte. Il est premier homme d'Italie, toujours excepté, mon cher Claudio. De grâce, ne vous fâchez pas contre moi, madame, si je vous dis ma pensée. Le signor Bénédicte, pour la tournure, pour les manières, pour l'esprit, pour la valeur, est placé le plus haut dans l'opinion de l'Italie. Il a, il est vrai, une réputation parfaite. Il l'a méritée par ses perfections, avant de l'obtenir. À quand votre mariage, madame? Toujours à demain. Viens, rentrons. Je veux te montrer quelques parures pour avoir ton avis sur celle qui doit le mieux m'habiller demain. Ursule tout bas. Elle est prise, madame, je vous le garantis. Nous l'avons rattrapée. S'il en est ainsi, c'est que l'amour procède par le hasard. Cupidon fait tomber les uns avec la flèche, les autres avec le piège. Héros et Ursule sortent. Béatrice s'avançant sur le devant du théâtre. Quel feu dans mes oreilles! Serait-ce vrai? Suis-je donc si fort condamné pour ma fierté et pour mon dédain? Adieu, mépris, virginale fierté, adieu, les orgueilleux ne laissent pas de gloire derrière eux. Va, Bénédicte, aime, je te paierai de retour, en apprivoisant mon cœur sauvage à ta main caressante. Si tu aimes, ma tendresse t'autorisera à resserrer nos amours par un lien sacré.